de chi, pas de chichi ou de fatra, pas de chi, pas de chichi ou de fatra, pas de chi, pas de chi, pas de chi, chi ou de fatra. Antipop, antipop, antipop, antipop, antipop, antipop, antipop, antipop. Pas de chi, pas de chichi ou de fatra, pas de chi, pas de chi, pas de chi, pas de chi, pas de chichi ou de fatra, pas de chi, pas de chi, antipop, antipop, antipop, antipop.